Nous sommes le mardi 12 décembre 2017. Il n'est pas encore tout à fait 7 heures. C'est le moment pour la revue de presse JV de sortir de son terrier. Allez, générique. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition de la revue de presse JV. Moi c'est Bruno Roca, et durant un bon gros quart d'heure, voire 20 minutes, je vais vous livrer les news gaming qu'il ne fallait pas louper ces dernières 24 heures, et même un petit peu plus que cela. Oui, de quoi se réchauffer les oreilles et le cœur avec cette météo cataclysmique. Allez, c'est parti! Commençons cette édition, mes amis, si vous le voulez bien, par le top des jeux les plus vendus en France pour la semaine 48. Qu'est-ce qu'on trouve ? Eh ben, sans surprise, Call of Duty World War 2 est toujours en tête, hein, la version PlayStation 4, je précise. Suivi en numéro 2 du plombier, qui n'est plus plombier d'ailleurs, en tout cas la mascotte de Nintendo via Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch, qui est toujours au taquet, numéro 2. Donc, numéro 3, FIFA 18 sur PlayStation 4. Quatrième, Mario Kart 8 Deluxe, donc la version Switch, hein, du meilleur Mario Kart de tous les temps. Et en cinquième, qui c'est qu'on voit ? Eh ben, GTA V, version PS4, qui repointe le bout de sa truffe, et donc qui n'a pas fini de déchaîner les passions, à juste titre, hein, qu'on aime ou pas GTA, c'est un jeu qui est quand même assez impressionnant, qui possède une structure assez renversante, et sachant qu'aujourd'hui même, il y a un nouveau braquage online disponible, normalement, donc écoutez, hein, y a de quoi faire encore sur le jeu de Rockstar. Encore deux petites news hein, issues du PlayStation Experience. Alors, on en a parlé déjà grandement hier. Là, ça va surtout se concentrer sur Naughty Dog qui a créé son petit event, surtout pour deux sujets importants. Je suis fan du studio Naughty Dog, alors je ne sais pas vous, mais moi je suis grand fan de ce studio et de leur savoir-faire à toute épreuve. Et donc, durant un panel hein, donc organisé durant le PlayStation Experience, Naughty Dog est revenu sur la saga Uncharted, et donc nous avons appris que la saga de Nathan Drake s'était écoulée à 41,7 millions d'exemplaires depuis la sortie du tout premier épisode Drake's Fortune, qui était sorti en 2007 sur PlayStation 3, et je me souviens encore de la découverte de ce jeu verdoyant, absolument chatoyant, alors que la plupart des jeux d'action à côté oscillaient entre le marron, l'orange rouille, et les teintes grisâtres. Bref, ce total comprend les 4 épisodes, ainsi que la compilation Nathan Drake Collection, Golden Abyss, hein, l'épisode Vita, qui était sorti au tout début de la Vita, et The Lost Legacy, que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs, et que je trouve absolument extraordinaire. Et ce panel a également abordé le cas de The Last of Us Part 2. Et donc l'équipe du jeu était présente et donc on a appris quelques petits détails, à savoir surtout que le scénario tournera autour de la thématique de la poursuite de la justice, qu'il n'y aura pas de choix forcément manichéen et que les camps ne seront pas clairement identifiés comme les méchants d'un côté, les gentils, idem pour les choix, hein, ce ne seront pas forcément des choix qui vous mèneront vers la lumière et des choix qui vous feront basculer dans le côté obscur. Non, ce sera beaucoup plus nuancé que cela. Ça déjà, c'est très bien. Nous avons appris également que la bande-annonce hein, qui a fait tant parler prenait place. Donc après que Yara et Lev, hein, qui sont sœurs et frères et âgés respectivement de 16 et 13 ans, donc après que ces deux enfants se soient enfuis d'un groupe religieux. Nous avons aussi confirmation que une grosse partie du jeu prendrait comme décorum Seattle. Bon, ça, on le savait un petit peu. Enfin, en tout cas, les indices étaient très très forts là-dessus. Et il me semble qu'on en avait parlé dans cette émission. Et que la phase de développement donc de The Last of Us Part 2 est à peu près estimée entre 50 et 60% d'avancement. Eh bien, écoutez, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir cette petite news. Je vais arrêter de vous gonfler avec le PlayStation Experience. Enfin, je pense ne pas être le seul déjà à aimer Naughty Dog et à attendre ces jeux. et pour ceux qui n'aiment pas, puisqu'il est de bon ton depuis quelques années de faire du Uncharted bashing, eh ben écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a d'autres choses qui arrivent là, ne vous inquiétez pas, là ça arrive maintenant, tout de suite! On en avait parlé déjà dans une précédente émission, en long, en large et en travers, mais Fighting EX Layer, le nouveau jeu de baston du studio Arika. Studio Arika, donc, qui était connu surtout pour son Street Fighter EX dans les années 90 sur la première PlayStation. Donc, vous le savez, il revient avec un jeu de baston, voilà, dont certains personnages ne seront pas inconnus à ceux qui avaient aimé Street Fighter EX. Et bien, sachez qu'une bêta est disponible dès aujourd'hui sur le PSN, hein, donc bien évidemment sur PlayStation 4. Alors je sais qu'il y a des fans de ce studio de Street Fighter X et certains qui attendent mais vraiment le jeu d'une manière assez folle, hein, et je sais à qui je fais référence, et je pense à toi Enrico Mascas, qui se reconnaîtra. Donc, eh ben, allez l'essayer. Et Enrico Mascas, j'espère que j'aurai le droit à ton compte-rendu détaillé sur Twitter. On va rester dans le monde merveilleux de la baston. Et sur Street Fighter, vu que de Street Fighter EX à Street Fighter 5, il n'y a pas qu'un pas, non, il y a de grandes enjambées. Mais enfin voilà, j'essaye tant bien que mal d'établir une petite transition. Bref, toujours est-il que Capcom a dévoilé les combattants de la saison 3 de Street Fighter 5 et certains retours vont faire bien plaisir aux fans. Il convient de préciser que pour les futurs possesseurs de Street Fighter V Arcade Edition, ces personnages ne seront pas gratuits. Hein. Il va falloir clic débourser un peu de caillasse. Jarod sur GameCult nous donne le détail hein, de ces nouveaux personnages. Donc, bah, des personnages très attendus, Sakura, Blanca, Felk, Cody, G et Sagat. Voilà, vous pouvez remballer, tout le monde va se coucher, tout le monde est content. Bon, je vais quand même vous donner quelques petites précisions à travers la plume de Jarod, qui nous dit que Sakura, notamment, était très très très très demandée. On se souvient d'elle, de sa première apparition, d'ailleurs, dans Street Fighter Alpha 2, Street Fighter 02, hein, dans sa version japonaise. Cette jeune fille est une admiratrice de Ryu et rivale de Karine. Enfin ça, les fans le savent bien évidemment. Côté gameplay, Jarod nous précise que la bande-annonce de Sakura révèle une nouvelle palette de coups en soulignant notamment les deux V-Trigger dont tous les combattants du jeu seront dotés après la mise à jour du 16 janvier. Comme l'explique le blog de Capcom, hein, précise Jarod, sa nouvelle boule de feu diagonale Tengyo Hadoken vient compléter ses attaques traditionnelles alors que son V-Skill Haru Kaze lui permet de bondir sur sa cible en ayant différentes possibilités d'attaque pour la surprendre. Et pour le reste des détails, je vous invite à lire ce merveilleux papier de Jarod. Si vous êtes fan de Street, vous y trouverez pas mal de détails qui vous feront vibrer les pupilles. Ça ne veut absolument rien dire, mais vous voyez un petit peu l'idée. Excusez-moi, la fatigue, tout ça, vous le savez. Mais nous n'en avons pas fini avec Street Fighter. Oh, que non, que non, que non, que non. Car une compilation afin de fêter les 30 ans du premier Street Fighter, une compilation donc a été annoncée et sortira en mai 2018 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One et peut-être même le micro-ondes de ta grand-mère, mais j'ai déjà trop fait cette blague donc je vais m'arrêter là. Pour cette compilation, hein, pour cette Anniversary Collection, comme on l'appelle, il y aura du lourd. Donc vous allez pouvoir trouver donc, le tout premier Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact et Street Fighter 3 Third Strike, le fameux 3.3, comme l'appellent les initiés. Et pour combien vous me direz? Eh ben, il vous en coûtera la modique somme de 39,99€, soit le prix d'Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers qui était sorti sur Switch. Qu'est-ce qu'on a comme petit plus, comme petit bonus à se mettre sous la quenotte? Alors déjà, il faut savoir que parmi tous ces jeux, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 3 et Street Fighter 3.3 auront l'immense honneur, accrochez-vous à votre slibard, d'accueillir un mode en ligne. Vous pourrez effectivement vous fighter, vous bagarrer comme il se doit contre une IA en attendant gentiment d'être mis en relation avec un adversaire. On pourra également trouver des salons qui pourront accueillir pas moins de 4 joueurs souhaitant s'adonner aux joies des parties classées. Il y aura les traditionnels, hein, classements mondiaux, bref, le netcode sera normalement en béton armé, sans trop de latence, enfin ça on attend de voir, mais enfin bon, en espérant que ce soit bien fait. C'est le studio, comment s'appelle-t-il déjà, Digital Eclipse, hein, qui se charge de ça. Il s'était déjà occupé de Mega Man Legacy Collection, donc bon, gageons qu'ils feront un immense travail. Donc oui, parmi les bonus, on pourra trouver aussi un musée dans le jeu avec moult croquis d'époque, les biographies des personnages, un bon petit paquet d'anecdotes, une chronologie, un jukebox virtuel pour écouter quelques célèbres thèmes de la saga. Et enfin, sachez que la jaquette du jeu, qui fait d'ailleurs un complètement référence à la toute première de Street Fighter 2 sur Super Famicom, d'ailleurs je l'ai encore, elle est complètement magnifique. Là, donc, c'est une réinterprétation par Shinkiro, un ancien illustrateur de SNK, qui a donc besogné là sur la jaquette de cette compilation 30e anniversaire de Street Fighter. Voilà, donc une matinée très baston, mais que voulez-vous, ça reste quand même un événement. Alors oui, Capcom recycle à l'envie ses licences, ses Street Fighter, mais j'ai envie de dire, déjà d'une, ce n'est pas le seul, et de deux, de toute façon, ça va se vendre, donc ils auraient le tort de se plaindre, et vous comme moi, oui, j'accuse, vous comme moi, vous auriez fait exactement la même chose. Voilà, c'est tout. Alors, inutile de faire les hypocrites, vous allez vous ruer dessus, et si vous ne vous ruez pas dessus, eh ben vous n'êtes pas obligé de l'acheter, et comme ça tout le monde est content, voilà, c'est aussi simple que ça, parfois, la vie. Un fidèle auditeur, dont le pseudo est Zarkov, a tenu à m'envoyer une critique d'un bouquin que j'ai trouvé très intéressante, donc c'est pour ça que je vous en fais part ce matin dans l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des critiques de magazines, de sites, d'articles, de bouquins liés aux jeux vidéo, bien sûr, hein, pas Marie-Claire, là ça m'intéresse un peu moins. N'hésitez pas, je citerai des plus pertinentes, ou des bouts des plus pertinentes, bien sûr, l'émission ne faisant pas 40 minutes. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ce que vous lisez, ce qui vous informe sur le jeu vidéo, que ce soit dans les bouquins ou vraiment dans un aspect plus news. Et là, ça concerne l'âge d'or des jeux vidéo et de la presse spécialisée, qui est un bouquin qui a été écrit par JM Destroy, donc un ancien rédacteur de la presse JV, un des plus connus, hein, pour les 30 quarantenaires comme moi. C'est paru au mois de novembre, hein, chez Geeksline, qui est d'ailleurs la maison d'édition fondée, montée par JM Destroy. D'ailleurs, on en avait parlé, hein, au mois de novembre dans l'émission. Et donc, Zarkov s'est procuré de bouquin et il tenait à nous faire part de son avis. J'ai extrait de sa critique, hein, les passages qui me paraissaient les plus pertinents. Et vu sa critique, eh ben, je crois que ce bouquin, il va falloir que je me le prenne. Parce que je me suis reconnu totalement dedans. Donc, Zarkov nous dit que JM Destroy raconte dans ce livre, à la première personne, le parcours qui l'a mené au journaliste dans la presse spécialisée. Donc, JM Destroy a 10 ans en 1979. Et nous fait découvrir, par procuration, faute d'argent, nous dit Zarkov, les premières consoles lancées sur un marché naissant mais vite saturé, causant son effondrement. Puis vint enfin le temps de la micro-informatique abordable avec l'Amstrad CPC 464, puis ensuite avec l'Atari ST. Donc la critique poursuit en nous disant que JM Destroy devient à cette époque membre des STCS, un groupe de déplombeurs de protection et diffuseurs en Europe, notamment avec des disquettes collées sous les sièges de train. Enfin, ça a l'air complètement ouf cette histoire. Et donc ces petites pirateries, hein, nous dit Zarkov, permet à JM Destroy d'obtenir les jeux bien avant leur commercialisation en France, et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'il rentre à la rédaction de Micronews, qui a bien du mal à se procurer les jeux via les canaux officiels. Il y écrit ses premiers tests, tout en continuant le piratage. Mais après moult menaces de dénonciation par rapport à ses activités de pirate, notre homme va abandonner donc le piratage et se mettre de manière vraiment professionnelle dans le journalisme de jeux vidéo. Et Zarkov poursuit en nous indiquant que s'il intéressera tous ceux qui aiment découvrir l'histoire du jeu vidéo, ce livre parlera vraisemblablement plus au quadra et au quinca. Si vous aussi Vous vous échangez les disquettes à la récré. Ah, j'ai connu ça, moi aussi. Si vous aussi, vous dépensiez tout votre argent de poche pour acheter des magazines, il est fort probable que vous aimiez ce livre. Donc, notre cher auditeur conclut, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il aborde l'histoire du jeu vidéo par des prismes que l'on voit rarement. Le coding, la bidouille, le piratage et la presse JV. Ce que j'aime moins, c'est la mise en page trop classique, la police de caractère utilisée et un texte qui finit ou commence trop près de la reliure. Mais c'est un peu pour chipoter, puisque le fond l'emporte largement sur la forme. Eh ben, merci à toi, Zarkov, pour cette critique. Je rappelle que le bouquin est disponible en deux versions. Une version collector numérotée avec une couverture cartonnée. D'ailleurs, Zarkov me le rappelle dans son mail, hein, au prix de 30€, et une version standard à 25€. Donc, après les bouquins, les conseils bouquins que je vous ai donnés la semaine dernière, notamment chez Sœur d'édition et Home Hacky Books, Geeksline, aussi, pensez-y, ils font de la qualité, n'est-ce pas? Et donc, comme je le disais il y a quelques minutes, si vous avez des idées de critiques, mais même un article hein, que vous allez lire, je sais pas, sur jv.com, GameCult ou moncul-sur-la-commode.com, tant que ça concerne du jeu vidéo, bien sûr, ou lié au jeu vidéo, n'hésitez pas à me faire parvenir vos critiques. Alors, pour les critiques, c'est quand même mieux de passer par le mail officiel de l'émission qui est revue de presse JV tout collé @gmail.com. Je répète, revue de presse JV tout collé en minuscule @gmail.com. J'attends vos textes, j'attends vos messages. Allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, c'est fini, l'émission est terminée, mes amis. Mais pas de panique, on se retrouve demain matin, même heure, même flux, même chaîne, même portail, même endroit. Bref, vous ne le savez que trop bien. Si vous avez loupé une émission, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas que la revue de presse JV est dispo quand vous le désirez, 7 jours sur 7, H24, sur iTunes, Podcloud, Deezer, Twitch, YouTube, bref. On me trouve partout. Pour vos critiques, vos réactions et autres remarques, n'hésitez pas à venir me causer sur le compte Twitter de l'émission, le compte officiel. Attention, ça rigole pas. Donc mettez un petit ne pape avant quand même, la bise, la politesse, bonjour, tout ça. Mais venez me parler donc sur @revue de presse JV, tout collé. Et la page Facebook du podcast, bien évidemment. Vous tapez le nom du podcast, ça se trouve très rapidement. Il y a aussi mon Twitter perso chez Bruno, donc @chez_Bruno. Continuez de mettre en masse des étoiles, ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours. Allez-y, allez-y, mettez des étoiles, c'est super important pour être dans le game, pour se faire voir sur iTunes. C'est vraiment super important, donc je compte sur vous là-dessus. Et puis, mettez-moi aussi des petits commentaires. Si vous aimez l'émission, bah, ce sera toujours très sympa. Vous avez aussi la possibilité donc, de m'aider à améliorer l'émission et les conditions extrêmement difficiles hein, en ce moment, je ne vous le cache pas, qui entoure donc sa réalisation avec la page Tipeee. tipeee.com/revue-de-presse-jv. Je vous explique ma situation dessus et je remercie vraiment encore grandement les 35 tipeurs qui m'ont fait confiance. Vraiment, votre confiance me donne vraiment une énergie d'enfer et je ne vous remercierai jamais assez. J'allais oublier de vous dire qu'il y a aussi le blog, hein, bien sûr, larevuedepressejv.wordpress.com où tous les liens sont centralisés. Donc si vous avez perdu un lien pour écouter l'émission, bah, tout est dessus, ça se retrouve très facilement. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, venez me causer sur Twitter et je répondrai à votre question le plus rapidement possible. Car je le rappelle, le SAV de la revue de presse JV est le plus performant depuis toute l'histoire des SAV finalement. Bref, il est temps donc de vous souhaiter une excellente journée. Bon courage pour le boulot, bon courage pour ceux qui en cherchent. Jouez bien, portez-vous bien, bon courage avec ce temps vraiment pas évident et surtout si vous habitez certaines régions où vraiment ça vire à la grosse catastrophe, bon courage à vous, gardez la niaque quoi qu'il arrive et quant à moi, eh ben je vous dis à demain matin pour une nouvelle revue de presse JV, plein de belles choses. Allez, très bonne journée et à demain.